Bonjour, bonjour mes chers amis. Un instant. Voilà. Oui, bonsoir, mes chers amis. Je vous vois là, rentrés. Bonsoir. Merci, je vous vois, mais je ne sais pas répondre à tout le monde, mais je vois comment est-ce que vous me saluez. Et bonsoir à tout le monde. Voilà. Et nous voici aujourd'hui, comme toujours, pour Nambo Kanabiso. Et merci pour la confiance, Oyo. Vous allez na biso. Et comme vous le savez, ezali facilité, y a ça là une résistance pour Nambo Kanabiso, et voire même une opposition Nambo Kanabiso. Ce qui Nambo Kanabiso est à la coquipété, franchement, avec les comportements y a biso congolais, ezali passe pour Nambo ça là une opposition véritablement, où ezali ko respecter la norme d'une opposition. Et la résistance, c'est beaucoup plus difficile pour la résistance. Mais quand cela ne tienne, tozali toujours, tozali ko résister, parce qu'il s'agit de notre pays. Nous sommes condamnés de résister. Ce qui est au lingite Mbokanabiso et Limoua. Tous allez condamner à co-résister, nonobstant, bas difficultés, tous en ango, à l'interne tout comme à l'externe, nous sommes condamnés à co-résister, nango. Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, Bakébélé, Bazo ça là-bas live, c'est très bien. Et deux fois, ceux qui ont lundi, Baninga Moussoussouté, ou bah sali déjà bas live ou bien Bazo ça là-bas live. Okoye baté, peut-être ce que vous voulez dire, batumusus basi baloba kiango. Mais répétition est la mère de la science. Bon, si ezala qui déjà dit nabaninga musus, ça ne pose pas problème. Donc ezali plagiaté et répétition nabiso ezali pe malam ko contribuer. Alors. Lelo toye potolobela eloko mibale peut-être misato. Tokolobela sur ma décision pour nakozwa pour namboka. Et puis tokolobela les attaques que nous subissons. Parce que au fait, il y a de ces amis qui nous disent non, en tout cas, bolanda batuanate, bazala kaka bongo. Bolanda batuanate, correspondre batuanate, bazala kaka bongo. Mais écoutez, eloko bandeko, oui, ba conseil na bino ezali malamu, mais eloko bandeko ebele bozali ko bosa na ke, médiocrité oyo bato wana baye nango, oyo bozali ko loba ke bolanda bango te bazala kaka bongo. Mais ce qui tolandi bango te, voyez-vous na niveau bazo mema mboka na biso? C'est-à-dire que ko landa bango te, ça signifie nous allons nous taire. Parce que Mboka na biso ezali lié na ba représentant oyo bazali ba s'autoproclamer bango moko ba représentant na biso. Donc, tozali na difficulté que batu oyo bazali ko kamba biso, ezali batu oyo biso toponite, ezali batu oyo ba s'imposer un groupe de gens ba s'imposer bango moko pour que ba diriger biso. Alors, bazo diriger biso avec ba bêtise oyo ba yaka nango oyo bazali nango et biso en réalité il faut tokende komeka kosala makasi po tozongisa bango na nzela bien que bazalaka bongo toyebi ke bazalaka bongo toyebi ke eza ndenge na bango toyebi ke ezali culture na bango mais est-ce que biso il faut tokanga monoko tokroise maboko totika bango lokola balobi bakosala remise et reprise avec Jésus. Alors, c'est inutile to ya lisusu mpona kolobela mboka na biso parce que Jésus akoya lobi te. Jésus peut-être akoya dans 20 ans te. Jésus peut-être akoya dans 50 ans te. Alors, totika bango jusqu'à ce que Jésus viendra. Est-ce que tango Jésus akoya tokozala susu peut-être tokozala susu na baorganisation ndenge tozala nango boye pays ou bien nini? Je ne pense pas. Peut-être que Jésus akoloba bon mokili esili tokende. Alors, en attendant, Jésus a kozobiso tokende. Est-ce qu'il faut que tika bato oyo parce que bazala kaka bongo. Prof kolanda bango te, bazala kaka bongo. Bo répondre bango te, bazala kaka bongo. Mais bozomona ke représentant ya ba bato oyo bazala kaka bongo, ye wana za na mutu ya mboka. Bazala kaka bongo to landa bango te. Mais chef na bango, représentant na bango, ye wana siko aza na mutu ya mboka. To sala ndenge to tika. Ah mais non, il y a des histoires où to koyi ko tika te. Il y a des histoires où to koyi ko tika te. Donc, likamba liboso na lingai kolobela, ezali ba décision ya mboka, ndenge na ozali ba décision ya mboka. Bazwaka ba décision ya mboka na sentiment te pona ko plaire bato mususu. Au niveau interne ou bien au niveau externe. Kozwa décision ya mboka bazwaka décision il faut qu'analyser est-ce que décision oyo nazali kozwa ba impact nini ezali po na mboka na biso du point de vue économique du point de vue politique donc bref na société na biso ba impact nini ekoya na décision oyo nazali kozwa. Et avant qu'on soit décision, il faut qu'on ait un élément où ils allaient permettre yo na qu'on soit décision. On ne prend pas de décision pour na satisfaire batu oyo lingi ou satisfaire bango. Bon, mon abandé que Belen toza awa, ngainde naza awa na tika la komona nanu un français t'es. En tout cas, peut-être ça m'échappe. Na mona nanu un français t'es. Lelo achana mire na ye. Ya Facebook ou bien à sala live na ye ou bien à sala post moko aloba moi je suis Congo na mona nante un Français un Belge akoma moi je suis Mamadou moi je suis Chebeya na mona nante mais vous allez voir biso ba africain ba congolais. Biloko tozali ko condamner, nous condamnons terrorisme, ezali mabe. Mais na kati ya monde oyo, tozali na monde ya ba relation bilatérale. Soki par exemple yo ozali na eloko ekweli yo, to ko compatir na malheur oyeli yo. Biso pe so yeli biso, il faut yo pe o compatir na malheur oyo biso yeli biso. Mais chez nous, on n'a jamais vu un président français ou bien ministre belge ou bien qui que ce soit, acha na page na ye, je suis Congo parce que ba Congolais bazo koufebele. Na mona na unte, non, je suis Minembwe, na mona na unte. Na mona na unte, je suis Beni. Na mona na unte. Mais eloko moko ele kakaka na France, par exemple. Eloko moko ele kakaka na Belgique. Okomona, je suis Paris. Okomona, je suis. Et okomona, ce sont des nègres de course. Alors, bazwaka décision pour nous satisfaire matouana msusupi. Moi, je trouve que ezali ba décision et belé Félix Azali Kozwa, c'est pour satisfaire batu msusu lokola par exemple ba Paul Kagame ya Rwanda, par exemple Macron ya France. Comment expliquer un président de la République? Oyebi na yebite soki ayebi ou bien ayebite, oyeba condition oyobozalite, oyeba environnement économique, politique, oyobozanangote. Vous prenez des décisions pour satisfaire Macron. Que non, Macron n'a pas de décision, oyo zozo na pays, na yokula na France, tozali elongo na yo, biso pe tozali kozwa ba décision ndenge moko yo ozali kozwa, donc on est ensemble. Concert ya Nations Unies, eza biloko wana te. Eza concert ya ba suivi stété. Ezali ba concert moto na moto, il faut analyser environnement ya mboka na ye avant kozwa ba décision. Tozali kolobela makambo ya coronavirus. Oui, toyebi ki na bamboka tozali, coronavirus ezali, partout, coronavirus ezali. Mais mboka na mboka ezali na niveau ya ba infection ou ya coronavirus, eza ndenge mokote. Situation ou eza na États-Unis na coronavirus, eza situation ou eza na Korete, eza situation ou eza na Irak te, ezali situation ou eza na Canada te, eza situation peut-être ou eza na France te. Il faut tozwa ba décision. Mais attention. Bazwa ka ba décision sur ba élément ya mboka na yo. Kozwa décision pour na élément ya ba mboka musute. Prévenir c'est très bien, mais il faut prévenir avec ba élément na maboko ou ekwede yo pour prévenir. Alors, Macron alobi azwi décision couvre-feu na mboka na ye de 21h à 5h. Voyez très bien que de 21h à 5h, à partir déjà de 21h, France, ma ville est belle, c'est ok, na Paris, ok, na Nice, ok, na Lyon, ok, na Bambo qui est belle à France, vous allez voir que ba air on est allé, ba air moko très mouvementé. Présent ses alliés belle, na Banzela, ba air wana. Batu bazali kokende kolia, batu bazali kokende babar, batu bazali kokende ba rencontre mususu après misala. Alors que nous, chez nous, ba 21h wana, ezali er ba mama, non, ba papa, na ba mama o basala ka misala, atiki ndako nzala, ake koluka, ake ikop, kuna soki asali kop, peut-être banda tongo akenda ki a réussir kop na yete, aye ko réussir kop na ye ver ba 17h ba 18h. Alors, soki a réussir kop na ye ver ba 17h ba 18h, vous allez voir moutwa ke kop na ye na kitambo, mais avant da kawapi na njili. A ke kop na kitambo a réussir a jouer quelque chose à partir de 17h, 18h, 19h. Alors, moutwa na ko salanim, a ko luka d'abord a jouer transport, a kende na grand marché par exemple, a kita na grand marché, a kota wenze, a somba biloko pona bana na yebalia, a pati a grand marché, a luka transport d'abord c'était notre guerre, ya kozwa transport banda ki tambo ti grand marché, a komi na grand marché, a kei na wenze, wenze wana okende a kende ko luka biloko ya moins cher, o batu bamoni ke ere komi tardive, ba client ba kozala mingite, ba diminuer biloko. Et voilà, à ce moment-là, ba papa na ba mama o ba kende ko luka, en profite pour ba sombe la bana na bango, moi biloko ya moins cher, ba zonga na ndako ba lambe la bana na bango. Soki a sombi biloko, na grand marché, na wenze ya gambela, ba wenze nyonso, et ba oyebi ke la plupart ya ba wenze ba teka ke biloko moi moins cher, ça se trouve na ba commune ya likolo, ba Kasavubu, Gombe, ah, bakitambo, bangambu ya kote kuna. E batu mingi o balukaka. Mingi mingi bakendaka kuna, ba centre-ville, bakitambo, bakasavubu. Alors, 18h, 19h, 20h, bazali ko bundana in autre guerre, asombi mwa biloko pona bana na ye, na kati ya sache, azo lukasiko transport po akomanda ku bana balia. So ki transport ezate, mbonga transport eko kakite, azali ko luka kende makolo. Ako mati nandaku na ye, ala musabana, ba mekakolia avambalala. C'est-à-dire que chez nous, vers 20h, 21h, soko tambo ina bandaku, oko mona bambabula, la braise, makala, ba lumière ya makala ezali presque partout. Okene na lupango nyonso okomona peut-être moto ya mbabula moko bien mibale na chaque parcelle. Batuana bazali koluka moye balambe la bana na bango balia. Et voilà, c'est à ce moment-là vous Vous prenez des décisions, il y a qu'au confiner partout, à partir de 21h, tin à 5h, ou bien 6h, je ne sais pas, Batouba bouger. C'est-à-dire que le papa, où aille qu'au vers 20h, aille qu'au à partir de Kitambo, aille qu'au à partir de ville, il y a grand marché, aille qu'au à partir de Kassavubu. C'est-à-dire, vous demandez à ces papas-là de se mobiliser, na Kassavubu, na Gombe, na Kitambo, et si Kazui, à Zonganda côté. Et pourtant, ma parent est belé basali kotika banana bango ya miki, il y a moins de 20 ans, il y a moins de 18 ans, 15 ans. Bango moko bazo c'est la papa ayé na route, mama ayé na route. Et bomoni réaction ya bato. Il y a jour d'abord il y a liboso. Réaction ya bato ezala ki ndengeni. Bato oyo bazali même na makolo bazo koka koleka te. Bazo kwa kwa avancer rapide mati. Je sais que la décision à confiner Kinshasa, ce n'était pas une décision sanitaire, et c'est une décision politique pour la Félix. Façon ba contrôler ba mouvement, y a ba troupe, y a frère na ye Kabila, bazali ko sala ba mouvement ou bien bazali ko sala ba mouvement. Parce qu'en réalité, c'est pendant la nuit que les gens avancent. Au Bazali, na ba makambu ya mabe, ya kosala mabe. Ce n'était pas une décision sanitaire. Mais natango kozwa une décision sanitaire. Moi, je pense que ma président Oyonio So Félix a suivi. Avant ya kokoma na décision, il faut que leka na historique, ya cette histoire o etindio, o kende na décision. Vous présentez la situation sanitaire sur la COVID. Oye ko loba ndenge nini bato bazwi COVID na mboka na yo. Oye ko loba bozali na combien bato o bazali infecté. Oye ko loba combien bato o batiki bakufi na pandémie wana. Alors, vu nombre ya bato oyo bazali infecté déjà, je décide, nous décidons to confiner mboka banda erboye ti erboye. Et il faut ko yeba décision à confiner aux Ali Kozoa, est-ce que impact nango na population na yo et kozala boni? Na moma ya lelo, moutou moko Congolais moko te ayebi, ya combien de Congolais au bazali infecté na coronavirus? Moutou moko ayebite. Moutou moko ayebite combien au bakoufi na coronavirus? Moutou moko ayebite ba foyer ya contamination ezali penza esika nini. Kaka mbala moko boye, Macron a décidé, yope o décidé. Macron a lobi pona ye 21h, yope e pana yo lobi 21h. Macron a lobi pona ye kosi la 5h, yope e pana yo 5h. Mais kuna Macron a zolo ba makamba vaccin, yo kangi munoko pona vaccin, o zolo ba boni. Combien de doses, Félix, à Sombi déjà. Parce que à confiner, c'est alarmant qu'on confine Bissot. Oui, c'est bien bon. Bon, au confiné Bissot, bah, au baza déjà, baza infecté, tu éviter ce qui est si canine de basali qu'on ne peut pas avoir traitement. Mais bah, au basali infecté, il faut les protéger. Alors, au basali infecté, combien de doses Félix Assombi pour la population d'Abissou. Maintenant, Kolobabouye, il y a des gens qui viennent. Pourquoi Kolobabouye? Donc, on observe un régime politique où opposition est zalatée, critique est zalatée, dénonciation ezalati bolanda kaka ndenge bango balobi. Le président est béton, il reste béton aujourd'hui, béton hier, béton aujourd'hui, béton demain. Nzambe kaka, il est expert na makambo nyonso, na makambo ya santé. Félix Azar entouré na ba expert ya malam, na makamba politique aza entouré na ba expert ya malam na makamba sécurité aza entouré na ba expert ya malam donc chez Félix tout est béton alors wapi bien fondé ya opposition ya résistance exacte parce que le béton est là. Béton a protégé territoire na biso, béton a protégé biso d'une façon sanitaire, béton a protégé biso na politique, béton a protégé biso na sécurité, béton a protégé biso na makambo nyonso. Donc tout est parfait. Mais non, c'est bien au contraire, et ça le contraire. Et ça le contraire. Ngai personnellement na yebi ke pays na biso Ezali foutu na merde bandakala. Et ba réaction ya bato mosusu ezali ba réaction juste où ezali déjà ba côté si na kati ya raisonnement na biso, pardon, ba côté si na kati ya raisonnement na biso, ba côté si na kati ya culture na biso, ezali na kati ya ba ADN na biso. Et c'est difficile pour s'en sortir. Et ça difficile. Vous prenez des décisions sanitaires, vous allez vous expliquer que batouba yeba au juste. Parce que au fait, il faut qu'on l'oba. Bon, voilà, dans la ville de Kinshasa, par exemple, les allées communes yaboye moutou, les allées beaucoup plus infectées. Batou na kotambola na bango, bazali na prudence. Bisot, vous allez na ba téléphone, au komona na téléphone na yo, soki ka okoti na page COVID, okomona ke non na metro boye, moto a COVID, infecté na COVID aleka ki wana. Okomona na shop boye, so lingo ke soma, par exemple, lipa. Na boulangerie wana, moto ya COVID akotaki. Oko evite kokota na boulangerie wana. Na quartier boye, bato a COVID baza ebele. Faites attention. Mais na Congo, Félix vient avec des décisions à confiner Kinshasa. To yebite na Kinshasa. Banani et sikani ne bato bazali contaminé mingi combien bazali contaminé et bato bazwa ba précaution na ndenge nini d'abord ba masque ezate ba masque ezali moins cher ba masque ezali moins cher avec les salaires ya président na bino 2,070,000 dollars province ya Kinshasa bakoyi ba pauvre bakoyi kozwa ba masque peut-être na 1 franc ou bien na ébité valeur ya mbongo ya Congo peut-être na 100 francs congolais les congolais lambda le pauvre akoyi kozwa masque tozo mona ngona ba pays ebele tozo mona ngona ba pays ebele ba masque pona ba pauvre azo somba ta masque moko te pona population Baninga bazo wele na po bazo ba dozu ba tobola ba injecte ba tuna bango. Ya ba vaccin. Tozo mone loko mote mouvouma mote na sans wana. Kaka mouvouma ya ko confine, azali ko confine Kinshasa, me azo confine ba zamba na benite esika ba rebel bazo bo babande kona biso, ale d'abord confine ba zamba wana na beni. Ale confine minembwe. Comme ça, on profite na confinement wana ba militaire na biso ba avancer na ba position ya ko traquer ba twana. Mais vous venez confiner Kinshasa au ezali métropole ya plus de 12 millions d'habitants et au yebike 90% ya population ya Kinshasa bazali ba pauvres qui vivent de jour au lendemain. Qui vivent ce qui moko na bango abimité. Lelo bakoliate, lobi bakoliate. Voilà na ère bato bakendaka. Moi je me rappelle encore. Je me rappelle encore. Na yebi à cette époque-là. Na zala ki je pense na bana mi balé à cette époque-là. Moi je sors na kei musala. Je laisse ma femme même un centime té. Ma femme azala ki na téléphone. Kote na kei so ki na zui. Je téléphone ma femme. Madame, na zui. kende pa mama boy poto yeba ina quartier bato o akoyiko zala na moi quelque chose akoyiko defisa kende na mama o ateka ka fufu defa deja fufu lambela bana parce que mbongo ya kosomba fufu na sina zui eza nyongo te deke na zoya tozo futa kende mpa mutu boye ad pesa yo boye kende deja wenze parce que mbongo wana na sina zui parce que na kozonga na retard mais ba parents oyo bazana ba téléphone te bato oyo par exemple esika okende ko defa izati bazo zela kaka présence physique ya mutu akenda ikoluka aya kozonga pour que ba kende wenze et boko leka na ba wenze mingi soki ina wenza Pascal na wenza Bitabe okomona bato 21h bato bazoteka parce que bato bauti koluka bazo ya kosomba mes chers amis. Toyebi ke ndeko oyo azali beton. Toyebi, azali beton. Tondimi, azali beton. Mais quand même, natango kozwa ba décision. Et quand même, pitié ya population oyo. Vous savez très bien que ba conseiller à Félix, oyo bazali autour de Félix. Ce sont des gens qui ont évolué 30 ans, 40 ans na diaspora. Bango ba yebi wenze ya bitula te. Bango ba yebi nde ba kakula ngai ngai oyo etulite. Bazala kini ya diaspora na social. Félix asia kende na wenza bitula. Dites-moi, Félix asia kende na wenza bitula. Akende ko kakula ngai ngai. Vers 21h. Lokola bazala kini na limete. Na wenze kuna na simanda kuna bango wenze ya kingabwa. Félix asia kende. Ko kakula mbisi ya la mer o glace sili. Alors, donc batu il faut ba kata misala ko bazonga ndako d'abord pour problème de transport pour komanda ndako par exemple à 21h soko zaina kitambo ozobeta makolo ke tina kingasani il faut kata musala ko lukana yo na ermine pour komanda kingasani avant 21h donc à partir de 16h déjà vous demandez aux gens ba kata musala ba kata ko luka. Or, batu basomba kamwa biloko peut-être na bapokwa. Aluki, aluki, aluki, aluki, akiko somba. Aluki, aluki, akiko somba. Et er oyo batu bazali très actif pour nako nourrir ba famille na bango, vous venez bombarder batu na confinement na biso. Mais vous confinez des gens avec combien de cas infectés? Ezali ba mesure moko, ezali ba décision moko irréfléchie, irresponsable. Juste pour na ko plaire boccidentaux Macron moni biso, yokuna so lobby to sa ensemble, ngapi na zo décider kaka ndengo wana. Alors lelo oyo tozomona batu ndenge bazali ko répondre na décision oyo ya ko confiner Kinshasa. Autorité oyo azali pour le peuple oyo balobi le peuple d'abord a ko revoir ba décision wana. Même ye mutu azwa ki décision anate. Na tango deja ezopesa mouvement ya mabe a ko instruire mutu azwa ki décision wana de revoir cette décision. Alors, décision à soi Isaïe Malam, Batu Ozomona Namzela Bazo Tamboula, Okomona réponse ya Batu. Est-ce que Batu Oyo Batamboula ki, premier jour Bazako Yemba Félix, Akufala na papa na ye, est-ce que Bazali Lamuka, Bazali Bayaka, ou bien Bazali ba Congolais Oyo Balukaka? Parce que tout le monde va se réunir d'une façon spontanée. Ba oba uti grand marché, ba oba uti Kasavubu, ba oba uti Kitambo, ba oba uti Bandal, ba oba uti ba place Nyoso, ba kutani na voie principale, ba zali ko yemba. C'était spontané. Personne n'a demandé na batona, ba kende ko sangana, ba banda ko yemba contre Félix. C'était un message. Alors, je sais que koloba biloko aboye même au ezo monana nous avons vu mutuno sa moni sauf milvor tout le monde a vu batundenge ba marché kozonga bazozonga na banda pona confinement oyo bazo marché bazo yemba tout le monde a vu mutuno sa moni ba image ou bien ba o bazali sur place na kitsa sa ba moni yango bango moko na présence na bango ba moni sauf milvor a monité sauf milvor. Milvor, c'est béton ou jamais. Béton. Franchement, Namboka Oyotozaï Naba Ovni. Nous avons des gens qui sont génétiquement transformés pour la cause de la famille Tshisekedi. Bazali, voilà les gens. Ce que moi je dis, n'a inventé le côté. Est-ce que votre gouvernement n'a pas confiné Kinshasa de 21h à 5h? Oui. Est-ce que Batouana, d'une façon spontanée, va marcher dans la balabala, va zoyer, va faire ça, va faire papa naye? Oui. Alors, ngai na place ou na sali ni. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais, moi? Donc, Tozali na bato bazali génétiquement, parce que, voyez bien même ba vaccin, ou Tozali kozwa, il y a de certains vaccins, ou yo soki ba injecté yo ango, système na yo génétique ko changé. Nenge ba milvor bazali. Les milvor, ce sont des gens ou yo bazali génétiquement transformé na cause Tshisekedi. Donc, bango, confinement, yande kona bango ba yoki yangote. De 21h à 6h, bango ba yoki yangote. Bango, bato ba marche na nzela, bazo ke niko yemba, guru na bango akufa landa papa na ye, bango ba yoki yangote. Mais tellement, ba lingi kaka, juste un milvor a zala kaka na tête ya pays. Milvor kaka, milvor jamais. Milvor forever. Wala noso ba zomo na te. Bazomona biso batutozo loba. Vraiment, c'est triste. Mais écoutez, mes chers amis, vous vous poumonez pour rien. Vous vous poumonez pour rien. Parce que moi, et si vous avez deux ans, yango jour pour jour, vous avez une colonie qui est face à la binote. Deux ans, yango avez une colonie qui est face à la binote. Seul contre tous. Ngana lo bakango tous les milvors bakoyi ko tanda bino banda esika nazali awa batandi bino ti na kabeya ka mwanga moko moko na ko eliminer bino moko moko moko ti na mutu ya suka kabeya ka mwanga bon o azo se reconnaître les raza milvors hein? J'ai donné la définition des milvors pour nazo mona déjà kuna balobi olinga ka baloba te est-ce que banda na bandi na lobi komba muluba awa voilà ba se victimiser akaka na lobby komba moluba awa na banda na bandi est-ce que j'ai parlé moluba ici na lobby komba luba awa na lobby lokota moi je parle de milvor je ne parle pas de luba je parle de milvor les milvor sont des citoyens congolais qui sont génétiquement transformés par Tshisekedi ba rezona kati mémoire na bango babosa il se perd ba mémoire na bango pamba pamba na seconde mémoire ebungi même osala ke bango malamu lobi lelo babosani c'est ça caractéristique ba milvor bazali na violence moko primitive c'est ça milvor alors soki yo o mikoti si na kati c'est koza milvor c'est que ozali milvor bon des gens qui demandent est-ce qu'azali professeur bon na hibite to komi na monde moko évolué. Est-ce que nakabeya ka mwanga vraiment Google les athées? Google les athées vraiment. Pour boye ba ke est-ce qu'azali professeur? Je ne suis pas, je suis congolais, mais je ne suis pas professeur na Congo. Nazali professeur congolais, mais nazali professeur na Congo te. Nuance yangoana, cher Milvor. Et si ka nazali professeur, d'abord mboka place nazali professeur nazali parmi ba top ya ba pays na monde. Parmi bamboka oyo bazali na mbongo ebele na monde. Esika na za professeur. Bazali top. université place na tangisa kezali parmi ba top université na monde. Alors ozomona ba sangisi ba professeur ba sangisi bango ba komisi université na top na monde et ngana za parmi ba professeur wana mais ngamu na zo komisa université na pe top na monde. Alors yo so yeko tuna nga soki oza professeur na 2011 na zalaki professeur parce que na 2011 erwana na zo komisa Tshisekedi nazo sala ba marche pona ko protéger ko luka victoire ya Etienne Tshisekedi. Là j'étais professeur vraiment place wana bokoyo ko komisa inga même professeur na planète Mars na système solaire. Oui j'étais professeur et voilà aujourd'hui je refuse ya kobeta maboko à un idiot que qu'on nous a placé là qui professeur Elongwe et comme hier za professeur ya wapi. Papa yo zo luka makana professeur pona nini tuna ngai est-ce que yaza congolais bien za congolais te professeur ou pas professeur c'est pas important c'est qui nous importe ici ozala d'abord un congolais ozala patriote ozala namour ya pays na yo ozwa ba décision impopulaire ya boyete ya ko pesa peuple passe peuple là d'abord baza ko souffrir ozo ba kisabango sous souffrance les sous c'est ça premier ko luka est-ce que za professeur est-ce qu'est-ce que ça a à voir na lutte na biso oyo na résistance na makamba Congo koyeba isika na za professeur po epesa yo nini parce que un isika na za professeur ozana capacité te yo moto zo tuna ozana capacité oyo kolongola ngati isika na za professeur yo ezala Tshisekedi wa Mulumba bande Tshisekedi wa Mulumba ti moto asuka azana capacité moko ko engager professeur te ezala Tshisekedi wa Mulumba za capacité moko kolongola ngati ye muta engager ngati ye muta tangisa ngati ozo lokaza professeur ya wapi po salani. Alors pona ko satisfaire bino et sika na za professeur un mboka wana ezali top ya ba pays na monde 11e puissance économique na monde soko yebite oyoki yango et université sika na tangisaka ezali parmi ba top 200 université na monde mais yo isika ozali isika Tshisekedi azwa diplôme soki faux diplôme na ye ya premier docteur na droit université wana même parmi classement ya ba 1000 universités na monde ezati mais ngai ozo minimiser ye professeur awa isika na za professeur université ezali parmi top 200 université na monde mais isika Tshisekedi auta université wana et comme écoute même na 1000 universités na monde te. Si ko ndeko ozo mo date ke ozo la problème même tout logique exacte. Alors question ko iko tuna ye azali congolais ou bien za moto ya wapi o mupaya ya wapi azolo makamba Congo voilà vous comprenez ah ngana lo bakango mes chers amis ngana bomba kate franchement na age oui je respecte Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki papa parce que moi na ye toza presque ba age moko moi avec Félix za mukolo na nga ya 4 ans problème ezati. Donc na age na nga Tshisekedi wa Mulumba azalaki na bana mais soki to ye na volet politique Tshisekedi wa Mulumba na escroquerie politique oui alekaki ngai mais na koyebisa yo cher Milvor yeba yango na lobaka ngo chaque jour yeba yango Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenga azalaki wana na bik azalaki mwana na nganda musika. Vous comprenez? Azalaki mwana na nganda musika. Au niveau ya Congo, oui, ayebanaki pona escroquerie politique, mais surtout au niveau ya monde, Tshisekedi wa Mulumba ne va pas se comparer à moi. Mais non. Pour Congolais, on l'a dit, on l'a dit, il faut qu'on dise, quand Tshisekedi wa Mulumba, il y a un titre de Jésus, il y a Jésus, le Kouta. Alors, il ne faut pas qu'on provoque ma kambo, parce que si tu as une réponse, on a une réponse, on a une réponse. Il y a un professeur. Mais il y a ici un professeur. Il y a un professeur. Ah oui, j'ai un nom. Na niveau international na zana kombo est Tshisekedi wa Mulumba zana kombo na niveau international Tshisekedi wa Mulumba zana kombo na Belgique et sika ba yebi ke ndenge ba escroquer ka ba africain na Europe na ba gouvernement na ndenge ba yebi ndenge nini ba maltraiter ka biso ndenge ba yiba ka biso et Tshisekedi azala ki envoyer na bango azala ki spion na bango yango ayeba na niveau wana Est-ce que na niveau académique, qui a connu Étienne Tshisekedi Mulumba? Na niveau international, ce qu'il y a décision, il y a monde des Ouamaka. Qui a vu l'ombre d'Étienne Tshisekedi Mulumba? Personne. Personne. Mais nous avons dit ça, yo, Moutouzo, Milouvo, nous avons dit ça, yo, que moi, dans ma décision du monde, j'ai innové des décisions. Ils allaient me baler dans le monde. Ils allaient me baler dans le monde. Et Belen, dès que vous vendez, on a peut-être aux gens dans la diaspora, aux gens peut-être réfugiés. Moi, j'ai lutté pour toi sans que vous ayez ronflé dans le bouton Lali. Moi, j'ai travaillé dans Genève pour lutter pour la protection. Dans le temps que le pays, dans le pays, bazana autorité ba mbalé mutu nyonso ezala zo déjà mukanda réfugié ba refouléyé ba longola quelques clauses na convention de Genève. Toi tu dormais, toi avec Félix Bobandai ko livré ba pizza, et moi j'ai passé 3 jours, 4 jours sans dormir na Genève pona ko lokwa protection na yo. Alors ya ko tuna ngaza professeur ya wapi? Je suis professeur monsieur okolongola ngate, je suis okozo AVC pamba, je suis Nazali. Vous comprenez? Alors, on a même lancé un deuxième point. Deuxième point, juste, il y a un dénigré Batou. Na y a une histoire. Bon, dès que tu as la résistance à Tozali et Bélé, tu as une bande de Konabiso, tu as une bande de ko aider pour que peuple na biso ba comprendre qu'est-ce qui se passe. Diaspora nyo se zalaka ndengo wana. Diaspora e komaka toujours activiste na ya politique, ya société, ya mboka na bango ba uta. C'est normal, ça la makaka bongo. Et pas na biso ba na Congo, diaspora il faut ko beta maboko na bato bazana régime. Soko beti maboko na bato bazana régime te aux amis mutumoka ko vilipande, aux amis mutumoka fuba bomayo. Batu o bazali na courage, tozali ko zwa risque. C'est un risque pour na ko sala résistance pour na mboka na biso. Ezali risque, risque dans le sens que ezali politique ya ba mboka msusu to vandité. Na politique bozo inana, bozo opposant, mais bokoy ko kuta na restaurant, bokoy ko lia, bokoy ko seka, vous êtes des amis. Ça pose pas problème. Mais pas na biso, c'est pas le cas. Et pas na biso, ce que zo beta maboko na famille Tshisekedi te. Est-ce que vraiment un milouvor a koyiko mona yo na restaurant a sombero bilo a kolia na mutea malam? Un milouvor a koyiko kuta na yo na aéroport a pesi yo mbatate a leki yo? Parce que zo koumisa, o bete li famille Tshisekedi maboko te, milouvor a zo zoyo loko la ennemi. Mais pour na biso, ngayi, le milouvor baza be ennemi na ngate? Moi, je peux rencontrer le fils de Félix, mais moi, na Félix. Aza moi, nanga. Ce qui n'a monié peut-être na mboka musika lokola na Corée. Aouti musika peut-être aouti Europe, aouti Congo. Aza moi, nangaï. Aza moi, nangaï. Nakotuna ye, oza wapi, oza na hôtel, ça va. Toke o mela moi café. Toke yi na sombelo moi repas olia. Je vous dis, par exemple, moi, mon fils, na zalakite. Ba yebisi ye ba conseiller à Félix bazali wana. Mon fils a dit ba conseiller à Félix a memi bango na restaurant sombeli bango biloko. A sombeli bango biloko na restaurant balia. A kei na hôtel esika bazalaki. A se présenté d'abord na kat hôtel bango moko ba moni ba hôtel na réception bazo wela mon fils po bakanga ba photo na ye. Ba ye ko kita. Ah voilà fils a ozana age nini. Non, j'ai 18 ans. Ah, 18 ans, au moins, le col à moi, il y a 30 ans, mande fwe belé boy. Oui, en tout cas, papa azate, et pourtant, moi, j'étais là. Nalinga okuta nana bangote. Papa n'est pas là, mais en tout cas, na yebi ke boza ba kongole bo uti musika, bo yena mboka obiso tozali, j'aimerais mien, bo pona, restaurant, nyo so bolingi, na memabino. Apesi bango téléphone, voilà. Carte yango ba restaurant bo pona repani ni bolingi konya na memabino. Mon fils a memi bango. C'est ça ndenge ngai nazo concevoir opposition. Pour moi Félix n'est pas mon ennemi. Bana Félix baza be ennemi na ngate. Mais le voir na okuta na ye baza be ennemi na ngate. C'est mais c'est outi ko sila. J'ai eu 4 lokola bino boloba nga la za la compte ya baluba 4 étudiants luba 4 bango nyo so bazui j'ai corrigé ba papier na bango en âme et conscience na moni très bien combo na moni combo mujinga mujinga ngala mulume na moni na yebi ke ndeko oyo azali kasaya za boloba mwana oyo mais j'ai corrigé mujinga zui A plus. C'est sans rancune. C'est une opposition, ça. Mais est-ce que moi, Milouvora, quoi, quoi, tikangai? À mon ingan anzela na zoambatate. Combien bazo fout a batike? Oh, non, yombi azan à Genève. Mbangu na zibino batoza à Genève. Moutouan azan à Genève, botiki azonga boy. Moutouan azan à Genève, vraiment. Moutouan azan à Genève, botiki boy. Boninga bo salangani. Boninga bo salangani. Mes chers amis, bato oyo tozali kozwa courage ya kolobela mboka na biso. Tozali na ba risque belé, c'est pour cela nous demandons na bandeko nyoso o basambelaka. Soki ozo sambela, il faut ko tchaka biso na ba prière parce que nous on ne lutte pas pour na biso. Tozo lité te pon de komo kwa za pembeni wana na sala boye pon de kwana zwa pouvoir, pon de kwana koma boye non. Biso tozo mona Congo. Bazali belé bandeko na sitaka ngo mingi. Ba o bazo sala mosala malamu. Na o na zobo sana o na yebi, je le cite, de Kerun Maizo, Bazali, Batwe Bele, Madame Candide, Honoré Nguanda, Batwe Bele, Bazou sala moussala, o na bangote. Parce qu'il y a de ces gens, o yobo yebi ki lelo, soki a lingi mbongo, a o kenegi chasa ako sala ako ma ministre, a o zwa mbongo. Bazali, mais soki bazobo yako kenegi chasa bazwa mbongo po, ye na fami na ye babonga. Vous croyez que batu nyoso tozwa kolobela makamambo kanabiso, toza li bariche, toza bariche te? Toza bariche te? Toza toujours na phase yako luka. Yango bozomo na tozo sala misala. Toza na phase toujours yako luka. Même Bill Gates, azo luka. Jack Ma na Chine, azo luka toujours. Alors, soki tozo ya po na Congo, tozo ya po na mutute, tozo ya po na fami ya mutute. Mais au commun, on a battu gratuitement. Parce que, bazobeta maboko na ndeko na bango o aza présidente, gratuitement, les gens fondent des histoires. Pouvez-vous croire sans rire, bato, des responsables, sans rire, qui peuvent se dire aujourd'hui, non, Kerun Maizo a tangate à son bas diplôme. Ndenge bozana bozo, c'est qu'a déjà dit. Mais chez les Congolais, ça passe. Non, prof, vous répondez à la bâton, vous répondez à bongo. Vous répondez à la mais non. Imaginez-vous, 2 ans, yango jour pour jour, ngana bima ba Congolais et Bélé, Bayebanga, même si na zalaki na résistance au Yobanda 2003. Naïb Sarabino, on appelle Sarabino ba référence, ba radio, R1 sur le net. Mais ba Congolais et Bélé, Bazalaki na ba système ba radio, anate, ba yebaki ngate. Lelo parce que comme visibilité ba Facebook ba YouTube ba tunion so ba yeko yeba mais je suis sorti au ba tunion ba congolais ba yeba ngai par vidéo que ba conseiller à Félix ba enchaîner Félix est-ce que nazala ki na raison te lelo makam Félix ayo sala c'est pas ce que j'ai demandé na vidéo nga liboso que mutu oyo bo enchaîner parce qu'on ne prend pas de décision comme ça lelo to suki wapi mes chers amis pouvez-vous croire que batu oyo bazali sérieux lelo ba kende ko loba Moutou lokola Kerun Maizo, a somba diplôme, Kerun Maizo a tangate. Bon, acceptons, Kerun Maizo a tangate a somba diplôme. To kene na logique wana. A somba diplôme. Donc, connaissance oyo nyonso Kerun Maizo, azali ko lobela partout to landakaye. Connaissance wana a somba epanani. Et panabino ba milvo? Cette connaissance de Kerun Maizo, a somba pe? Parce qu'on peut acheter un diplôme. Tu sais qu'il y a acheté un diplôme. Ça, c'est un diplôme o ba pesiye, juste pour un favoritisme. C'est pour cela que vous allez voir que Tshisekedi Tshisekedi n'a jamais défendu son diplôme. Il n'a jamais défendu son diplôme. Parce qu'un premier docteur en droit, Bisoto Moni Baliaou, Bisoto Moni Bambuta Kanza, la politique ndenge bazosala na Congo, vous sentez que azo défendre paix, diplôme na ye. Qui a déjà entendu Tshisekedi Tshisekedi défendre son premier diplôme en droit? Nani. Un gars, ce qui a vendu dans le Japon, Bandeko bavane, ngana ke naka Japon mingi. Ngana ke naka Japon mingi, je rencontre ba officiel japonais. Ba Congolais te mais les Japonais belé ba yebingai. Ba Japonais belé ba yebingai. Mais vous entendez toujours un gars, un Congolais ou à vendre dans le Japon. Ba Congolais belé pe ba vendre dans le Japon, ba tika omona ta ombre na yeti. Ba yoka akaka na radio moko ba benga soki Congo Net Radio. Congo Net Radio. Mais ce gars-là, M. Lambert Ngoyi, n'a pas combo naïe parce que c'est lui qui vilipende notre frère Kérine Maïzo, que Kérine Maïzo a son bas diplôme. Franchement, sans rire. Sans rire. Mais ce gars-là, Lambert Ngoyi n'a pas commencé par Kérine. Moi-même, Ngaï, a joué courage à Sala Radio naïe Congo Net Radio. Vers 2003-2004, il m'appelait, nga nazan na Corée. Et wana nazo sala na usine. Ayoka nga mbala moko na radio, radio Bonsomi. Ya bande kona biso bazali, maman Mimi, azali présente, azali, je pense na Hollande. Maman Mimi, papa Raphaël, ba bengangai. Na intervenir d'abord na émission moko. Quand je leur ai dit, problème, il y a brassage 1 plus 4. Ah bien non, qu'au brasser à remettre, la première des choses, c'est de brasser la tête de Kabila, brasser la tête de Bemba, brasser la tête de Rouberoua, brasser la tête, il y a Batouana Nyonso. Peuple Nabiso, qu'au brasser Bangoponani. Parce que Batouo, Bazo, Senge, le brassage, ils allaient bangonder. Voilà. Monsieur Lambert Ngoyi, il me découvre. A comment il y a Benganga, na le kana radio na ye. À cette époque-là, Lambert Ngoyi yabane ko benganga ba Congolais o ba rezona kamalam. Ba Congolais o bazali intelligent. Na zo le kana radio na ye. Na 2004, ngai na Lambert Ngoyi contacte za soute. Contacte za la ki soute. Ki 2020, je vois Lambert Ngoyi surgir pour na ko questionner yombi a koma professeur na miracle nini. Vraiment, bonjour, mon ba bête, ba milvor, n'est-ce pas? Vous sentez, ba tout haut, ba milvor, n'est-ce pas? Ce sont des gens, oh yo, servant à Bango et Salaka Malam au pays. Croyez vraiment, Moutou, na 2004, contact exacté, Moutou n'a pas zo vivre au yébité, évolution n'a yébité, yébité, Makambazo salo yébité, qui na 2020, donc disons 16 ans après, mais Moutou, comme professeur d'université, vraiment. 16 ans après, Moutou encore professeur d'université. C'est Lambert Ngoyi qui se questionne, il y a comme professeur Namir. Donc, pour nous, il y a un miracle. Mais, nga er na zo ke na classe, ba Congolais, ba vayen na Corée, ba vayen na kose kangadi. Ba vayen na yébisa nga papa, oyo, tomonye, moutou na yéza malamote. Comment expliquer azana bana, azana mwasi, azana moussalate? Mais au lieu qu'il n'a pas eu une qu'il n'a pas eu pour aller sa moi si n'a pas eu ye yé azo qu'il n'a classe à qu'il tanga. Mais université na tanga na Corée zali, université na tanga na Canada zali, na net zali, na Google zali. Voilà un milouvor parce que au Bételin de konaye ma bokote. Il vient questionner diplôme ya Kérine Maïzo à Somba. Il vient questionner Yombi ya koma professeur na miracle ni. Milouvor forever. Milouvor akotika la kaka milouvor. Mais moi je pense que batuloko la Lambert Ngoyi ou azalaka na Japon batebele ba yebi erwa na résistance. Soki na tangeli bino ba Frank Sandokanda azali la radio qui empoise, batou ba banda, biloko yo ya ba communication sur le net, bangoana. Frank Sandokanda, azali toujours en Allemagne, na radio na ye radio qui empoise, ezali. Maman Mimi, papa Raphaël, erona, je me rappelle encore ba papa Toto, bazali. Tout le monde, tozali na bango na ba radio, on a identifié M. Lambert Ngoyi des jalousies. Aliko yokate, Congolais moko a évolué. Ali, même au Japon, tu sais, Congolais béné basé au Japon. Hier soir, il y a qui Congolais moko azui musala moko na usine ya malam. Congolais moko azui musala moko na place à malam na Japon. Lui aye nango na radio na ye pour ça l'émission contre Congolais wana. Mais lui-même, on l'a jamais vu. Mutamona ombre na yazate. Sur mon moni na réseaux sociaux, azana photo moko banda 2003. Monsieur Lambert Ngoye photo moko azana ngona réseaux sociaux échange raté. Photo moko na réseaux sociaux. Souvent nos frères qui sont au Japon se demandent est-ce que ce type ici azana na Japon ou bien azana kawa. Photo moko na sur mon moni Facebook na ye. Sur mon moni bisikani azaka na photo moko passeport. Ça ne change pas kaka yango na banda 2003. Mais Aza Phantom Max. Alors, vous allez mettre en question le savoir de Kérine Maïso, franchement. Moi, j'ai entendu Mongongo et Kérine Maïso à Kinshasa. Radio à Kinshasa. À cette époque, on ne savait pas Lambert Ngoito, Yébita Azalaki Sikanine. À cette époque-là, Félix livrait son 155e pizza. Namatongé à Bruxelles. Mais non, parce que quand vous dites que vous répondez à Bato te bazalaka bongo, mes chers amis, bozobosa ne loko moko. Bozobosa na ke bato oyo, lukuta e pa na biso yango e komaka vérité. Et on a remarqué à un certain moment, c'est difficile pour eux défendre la vraie vérité. C'est difficile parce que bato na ba vandisi base na mensonge. Bavandi si base na mensonge. Alors pour moi, en réalité, sinon, mensonge, ce qui est, moi je réponds coup sur coup. Alors aujourd'hui, que Lambert Ngoyi vienne aujourd'hui, parce qu'il questionne que Nakoma professeur Miracle Nini, alors qu'il vienne na débat moko na télévision moko, alors Nakoma ma diplôme nanga ya doctorat, Nakoma ma diplôme nanga nyonso, Nakoma ma contrat nanga ya ba université en tant comme professeur, comme ça. Akende siko ko swa nana bakolo ba université wana aswa ni sabango bo komisa moto au professeur ndengeni au lieu ya koloba loba kaka na ba radio tribal. Nous quand on parle on s'attaque na bato ba ndulu bo sibo yoka kerin maizo a komisa muzito bo sibo yoka ngana komisa muzito bo sibo yoka ngana komisa gizenga. Mais pourquoi nous bato équateur komona bango contre bato bat équateur. Ce qui est équateur, on a zana nzela malamute. Azo kende nyoka nyoka. Bat équateur, bat tel melaka bato na bango. À l'époque de Mobutu, on a vu bat équateur contre Mobutu. Giawa zala ki mouta wapi. Équateur ti. Bato ba Congo, bazo tel melaka bato na bango. Ce qui bat tel melaka bato na bango. Ce qui nyoka nyoka. Bato Kivu, bazo tel melaka bato na bango. Ce qui bazan nyoka nyoka. Province orientale, Katanga, ndenge moko. Mais pourquoi vous, na Kasai, vraiment, Bolingui, t'es battu les mêmes abattons d'abidon. Pourquoi? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi Bolingui, t'es battu les mêmes abattons d'abidon? Et pourtant, vous voyez que Bazo Baby, ça peut être belé, le col à Bataban, d'où nous peut Bazo Baby, ça. Bisous, t'es battu les mêmes abattons. N'a répété à Kango, n'a eu sa cabine que Mama Yabana Yangaï. Azali famille à Gizenga, mais attends, Mokolo, Mokote n'a tiré à supporter Gizenga. Parce que Banda Aout a Zonga exil. Je l'appréciais, elle a Zalakin exil. Mais Banda Zonga qui a eu au Kosa Batumakamba, tremblement de terre. Batubazo qui est là, Nandakou na ye. Avant Bazonga na Kingasani, Bazole Kanandakou na Ngaba Melati. Ma solo Bazo bête à Gizenga. Et Tindangana douté na Moutouana. Ti a eu au Koufa. Na Tikala Kondima Gizenga. Est-ce que Bissot a un sentiment tribal? Sentiment tribal et pas un Bissot exacté? N'est-ce qu'il y a un vendu en Corée? Gizeng était premier ministre, Mouzit était premier ministre. À cette époque-là, je pouvais utiliser, maman et Abana, on a utilisé, à qui ne colobaki pende et pas Gizenga, pour baza famille, à l'obaki pende et pas Mouzito, pour baper sanga poste, n'a pas baper sanga, parce que ce n'est pas les diplômes qui manquent, les diplômes les alliés. Pourquoi on a ça là qui est en route? Mais bino kaka même ozali na ozoye ba très bien que ndeko na bino akesa la deal oyo basala kati ye moko andimi yango bino kona bozolo makam susu béton ye koto azolo ba humiliation bino kona bozolo ba béton ye kona lobi bazo empêchenga na sala ye bino kona bozolo ba béton mais au juste vous vous contradisez vous-même. Na résistance aux Ozali. Tozomo na batomoso, par exemple, M. Honoré Nguanda est de l'Équateur. Mais tozomo na bato la résistance équateur qui s'oppose à Honoré Nguanda Pé. Parce qu'il y a une résistance au Yéza, un leader au hasard est un opposant, mon côté, ce n'est pas un leader, ça. Attention, même Nzambe Yemo est un opposant, c'est Satan. Nzambe est un opposant, c'est Satan. Jésus est raillé, Mabele Oeza est raillé. Papa n'a pas dit que Jésus a coûté une opposition. Parce que cette opposition à Nzambe, Jésus a l'ingaï koyate. Mais comment expliquer où il y a bino pouvoir, opposition et zalate, critique et zalate, et loco et zalate, bon le baboy, non, il y a diplôme à somba, bon le baboy, il y a comme un professeur de miracle, bon le baboy, mais au juste bino bozali ndenge nini. Voilà ce que j'ai dit, milouvor forever. Milouvor. Milouvor et zali tribité. Ce qui bino bolobi et zatribi, c'est votre problème. Mais moi, milouvor. Et Zali bat ou yoba changer bango génétiquement. Et pas Tshisekedi. Alors, yo et Siko Zolandanga, ce que monique, Tshisekedi a changé yo génétiquement, c'est que Zali milouvor. Et Zali ma bé. Parce que, en réalité, coronavirus et Zali ma bé. Mais moi, je pense que milouvor, c'est plus que coronavirus. Milouvor, c'est plus que coronavirus. Il faut tout le vaccin yamakas pour ne pas milouvor. Mais défendez votre frère dans la vérité. Défendez votre frère dans la vérité. Si par exemple Kerun Maizo azoko sala makambo oyo, azolo ba makambo oyo binombo sepe nangote. Bo ya na contre-attaque par rapport makambo Kerun azolo ba. Bon, Kerun yo lobai ke régime à Félix ezali boy. Olobai ke ubwenge ezali boy. Olobai ke ba Rwanda ba bomi. Olobai ke Félix apekisi ba Uganda ba futa mbongo na biso bazana ngo ba boma bande ko na biso te. Alors, Kerun Maizo okosi. Talanga ingo lamber ngoi histoire ndenge na yebeli ndenge ezali. Un, Félix aza pour ba Rwanda te. Un, asali boy te. Mais c'est dans la vérité. Au lieu de venir protéger votre frère, défendre votre frère dans de mensonges, yango ezo komisa biso plus fort. Yango ezo komisa biso plus fort. Moi que je vous parle, deux ans yango, jour pour jour, face à ba milouvor, seul contre tous. Et toko kende boye, bata Congo balo baka mbeli mbeli, toko kende mbeli mbeli, tina souka. Ezala batun à moins que ndeko na bino a changé aya okota na kan na biso ya cause de la nation ça va to kozale longo na ye mais ce qui azali kaka ndengo wana ba détournement ba ndeko na ye bazo yiba ba audio to zo yoka to kende na bino mbeli mbeli ezala Congo nyoso soki to zali 80 millions ba ye ko landa Félix lokola bolbi union sacré tout le monde azo kota. Batonion se soit bakoti, je vais rester seul. Je vais rester seul. Mbeli, mbeli. Moi, je sais, je suis formé. Je suis formé dans le mouvement social. Je suis formé dans la résistance. Et d'ailleurs, j'enseigne les résistances. La résistance, bon, disons, les résistances en pluriel, parce qu'ils allaient belé. Je suis formé et je forme. Je peux rester seul, Nelo, seul. Nako sala face à ba milouvor nyo so bani kotanda Etienne Tshisekedi Mulumba yé déjà sa kenda. Bon remplacer nani après Etienne Tshisekedi Mulumba. Félix Kimpwaka bwaka yé. Nani fils Mokoko Kimpwaka bwaka yé. Nani Kabundu Kimpwaka bwaka yé. Nani Kabundu bwaka yé Kimpwaka. Nani sus bo proposer. Proposez-moi qui? Qui proposez-moi? Qui? Tala. Et belé botuna ke me mutu a uta ususu wapi ba congolais lokola nga tozali ebelé Tozali ebele. Ne croyez pas que ndenge bozomo na bato bavandi calme que non ba congolais bazate bazali o ba bato lingala ba congolais ba kinwa balobaka biboba na bino boboba biso. Voilà ba mille fois balinga te langage ya ndenge o professeur ndenge. Naza professeur j'enseigne les réseaux sociaux. Hein? Je connais. Je m'adapte au langage. Ah. Toza biboba na bino te ba congolais baza ebele. Baza ebele. Ce qui nous manque, Ezali, que les Congolais wana, le sentiment national et la moussabango, tozali ebele. Bokamwa kinde ebo, mona kinga, oa outi sousou wapi. Et c'est bon, dimay ki quelque part na mboka moko boyeko mbokore, Ezali na moutou moko, na moutou Congolais moko boy. Bon, dimay ki yango. Seul contre tous. 2 ans yango jour pour jour. Alors, titre au Kenena Souka. Titre au Kenena Souka. Alors, donc, je disais que, Bandeko Nyoso Oyo Bozali Kolanda Biso, on a besoin de vos prières, on a besoin de vos supports, Tozan a besoin de faire des chèques. Na Batu Oyo, O Bazali, na culture, y a mensonge. Comme Boyebi qui est Milvor, en réalité, na Pesaki, sauf que na page dans la Facebook, bon, on a caractéristique, il y a Milvor. Milvor, c'est un sorcier. Sorcier, c'est un menteur. Donc, menteur, na sorcier, baza mutumoko. Ndoki, a koyi ko bomate sa lukuta. Lukuta, a koyi ko sa lukuta, na ye sans ki ndoki. Wane zali, caractéristique, il y a Milvor. Bazali, ba menteur, ba se victimiza ka bango moko, asali li kamba komi victime, ye moko. Mensonge, bango. Kindo ki bango, koko niye makambo ya batu bango, voilà le milovor. Et bandeko oyo nyoso bozali ko landa biso, tozana bezwen na bino. Biso makambo tozo loba, ezali pona ba fami na biso kakate. Parce que vi ya moutou lelo, o la mouka, oza ananda ko lala, olia bien, Obela au kende hôpital, oza na transport facile, ba na ba kende classe, c'est tout. Mais biso ba tozo lo ba boye, facilité wana po na ba na biso ezali. Mais non, en tout cas, esika tozali, a moins que ba kolo ba mboka place tozali ba décidé, un lendemain ba lo ba ke non, mupayanyo so azana kulera, mwindwa kangabilo kwa zonga. Mais sinon, ti okokufa kuyiko vanda na mboko zali. Mais nous pensons à vous. Nous pensons à vous. Bande comme sous au bavandi na Congo, ça fait mal. Au mona ba mama mususu na ba koni zemi awalikam. Na mo Congo na bébé, na mutu na ba koni na pondu, na liboko koto bidon ya mai. Mes chers amis, ata kutoza na mawate. Nous ne disons pas que Félix a comme ça mboka na biso lokola France, lokola Corée, lokola Japon na minute moko. Mais loko tozo luka, la volonté est pas ya Félix ezate. Ba signo o ezola que Félix a za na volonté wana te. Ezate, ce ne sont pas de paroles. Parce que Félix c'est un bon parleur. Félix a koyiko banda ko promettre bino leloti na pokwa. Ti a ko lala banda ko pesa ka ba promettre. Ce qui compte ezali, ce qu'il fait. Eza o azo lo bate, eza o azo sala. Félix n'est pas Dieu. Ke a lo ba mai, bima, mai e bimi. Vin, koma boye, vin e bimi. Mapa bo, ma banga bon wana ye koma mapa, ekomi mapa. Non. Félix a zan zambete. Félix a zan moutou. Alors, moutou, pona kondimaye, bondimaye na misala o yo azali ko sala. Mais tozo mona ba signo, nyoso o ezali autour de Félix, eza ba signo o ezo kende, na sens ya ko ede mboka na bisote. Moutou ou aza na posa ya mboka na ye changé. Bande kona ye baza la malamu. Akoza na salaire ya 2 070 000. Ata ba pesi ya ango akobo ya yango. Moutou ou aza na bezo bande kona ye Congo na ye d'une façon générale, nationale ya la malamu. Ako engager plus de 1000 personnes ba kouze na ye te. Ako pesa bango ba salaire ba 24 000, $17 000 te. Moutou ou aza na bezo ya Congo ye bonga. Ake ne ko empêche Uganda te ke Uganda ko futa nyongwana te, me bo protéger ngayi. E salamaka te. Mes chers amis, nous vous disons, ce qui est bon, Milvor Moussou soit place. Parce que Bino, La présidence, oui, ils ont salabino souci. Oh, nous sommes attaqués, nous sommes salabino, ils allaient présidence. Ce qui est bolingi, vous gardez la présidence, mais pas avec Félix. Cherchez un autre milvor quand même. Donc, intelligence, c'est limite, na Félix. Alors, vous êtes foutus. Ce qui est intelligence, c'est limité. Donc, sommité à intelligence, si c'est Félix, alors, vous êtes foutus. Vous avez vraiment foutu. Bon, vous avez voir, monsieur. Ndenge bo vandi na ba conscience na bino boyebi. Boyebi que Félix n'est pas capable. Awa siko bino bokangi Kabila botindi esoki na Kiba. Bon, siko yopona ko signer ba ordonnance nyonso Kabila bande ko bloquer bino. Ordonnance ya minembo c'est Kabila ki bloqué. Ordonnance ya makambu ya 15 millions na présidence ou ebunga na présidence, c'est Kabila ki bloqué. Ordonnance, il y a 2 070 000 $, il y a salaire à Félix, c'est Kabila qui donnait. Bah, voyage à Félix, 2 000 000 $, c'est Kabila qui ordonnait. Et maintenant que vous avez envoyé Kabila en exil à Kiba, Félix Azou Zelani ne peut pas signer ordonnance à Minembwe. Parce que Kabila n'est plus là. Kabila est à Kiba. Qu'est-ce que vous attendez pour nous signer ordonnance à Minembwe? Ou bien décret à Minembwe? Le gouvernement, bolobi tozo kende, bosali union sacrée nabino, mais tomoni démission mon côté, bozo c'est la démission, ya ilunga, soki ilunga ilungamba, mais balobi batola nyo so bato bazo mutabane ko pesa bango mutu makasi, ba santete na Félix, ezali Kabila, mais Kabila maintenant ezali en exil na Kiba, ilungamba zo démissionner te pourquoi? Parce qu'il peut démissionner aujourd'hui, et donc Kamba sera toujours premier ministre intérimaire. Jusqu'à ce que Bokoya soit premier ministre. C'est ça la différence. Parce que Azali intérimaire, Azali maintenant premier ministre full. Mais Kabila Zate, Kabila Zana Kiba, Sikoyo, il n'a pas démissionné, pourquoi? Félix Azasson a besoin d'un informateur, parce que la majorité est déjà identifiée par les élections à Parlement. La majorité est déjà identifiée. Vous avez vu combien au Bazali pour Félix, au Bakoti et pas Félix dans l'Union sacrée. Balobi 281. Bamsou Babaki Sama qui va commis sur 290. Au Bazali, déjà commis, battu à Félix. C'est déjà identifié la majorité. Ce qui nous manque maintenant, que Nakata majorité, on a Félix a nommé Premier ministre. Ni ne zozel, a zozel, Kabila n'est plus là, Kabila Zana Kiba, exil, Botindi. Union sacrée ya ngopé majoritaire ezali batakabile les kabilistes, je ne sais pas binon bozali na loba yango bozali na problème ya forme et non problème ya fond. Donc milvor, tout le monde peut venir ba milvor na bozomona bazali maloba baloba ka mingi wa. Milvor est manipulable, lui-même ne comprend pas ce qu'il fait, c'est ça milvor. Milvor ne comprend pas. Oh, bah, le bazo, le bazo, même les gars là qui est au hasard au Japon, qu'on a ngoy. C'est un gars, moi, photo na ye à 2002, au Tchakawana Longolati. Ce qui a Zalika Randenga Zawana. Mais c'est un gars, c'est beaucoup de temps, il est là, Kogumba Moutou. A Kogumba Moutou. A Kogumba Moutou. C'est ça, Milvor. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Donc, bango bazo sepela pon na forme, o ba pesi bango. Mais en réalité, notre problème, c'est le système. Le système est dans ces gens-là. Croyez-vous vraiment, Moutouloko la Kimbuta? Moutouloko la André Kimbuta, aye na union sacrée. Vous croyez que Kokota Kimbuta, Kota na union sacrée, c'est vraiment sincère? Vous avez besoin d'André Kimbuta na union sacrée, ou bien vous avez besoin. Il y a moutou oyo azana changement na kati na ye. Parce que d'André Kimbuta, c'est Kabila. C'est kabiliste. Roubert Ouassouke a ye na union sacrée nabino. Croyez-vous, Roubert Ouassouke sincère nabino? C'est ça, Milvor. Gourou na bango kombo ye, ba manipila ka ye partout a kenda. yango bantura kabango. Etienne Tshisekedi, il faut entourer ye. Etienne Tshisekedi sur Azotambola, il faut entourer ye. Félix sur Azotambola, il faut entourer ye. Vous savez pourquoi? Parce que les mille voix bango mo baye bike, eh, bato oyo soki botiki bango bango moko bakena ba réunion. Oye zo senga signature. Bako baby ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Malgré bazali populaire, parce que boyebi kaka population na biso ndenge bazalaka. Bazali populaire. Mais ce ne sont pas des gens qui peuvent discuter pour ce pays. Ce ne sont pas des gens qui peuvent discuter pour ce pays. Mobutu era baneko tinda batu, bakeneko discuter pour na makamba pays. Ba maître Nimi, ba maître Kamanda. Est-ce que Mobutu bano pona Tshisekedi akeneko discuter? Mobutu le savait. Tshisekedi n'est pas quelqu'un qui peut discuter à Nabatu. Tshisekedi a mutu, oyo ba décision na ye, il faut qu'appuyer ango toujours par populisme na sima na ye. Ba milouvor, il faut baza na sima Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour décision na ye batu bandima yango. De lui-même comme ça a discuté, il ne saura pas abandonner kokokate. Et son fils c'est pareil. Partout son fils azo kende batu bakosa kaye kaka. Son fils il faut battu baza na sima pour ba aider ye parce que kuna okende ko sala buzoba batu il faut baza na sima era ko sala buzoba ko ndima ko signer batu ba ya ko sauver ye na signature wana. Est-ce que na kosi bandeko? J'ai menti. Dites-moi si c'est que Mulumba kende na négociation ni pour le pays na libanda ya mboka négociation ni si c'est que Mulumba kende oyo batu ba tie confiance o ba yebiye ke non mutu o ifo akende même na IDPS qui négociait pour l'IDPS à cette époque là c'était des gens comme Deliaou, c'était des gens comme Kibasa Maliba, des Mwankiem qui discutaient parce que batu na bazaki na bagage ya ko discuter et tu sais que d'abandon ko discuter te abandon ko kokate abandon ko kokate yeso akeyi ba kile ye azongi mbangu limete mobilisation ba milouvo nyonso pour ba soutenir ye. So yi kuna ba kile a zongi limité mobilisation. Mais ye moko boye argument pour a négocier. Mawa. Atika ko négocier le côté. So ki azanango, peut-être j'ai raté cet épisode. Boye bisangai, quelle négociation pour le pays? Et tu sais ce kenda libanda yamboka. Na Afrique, na niveau sous-régional, na niveau régional ou bien na niveau global. Quelle négociation? Et tu sais ce kenda. Voilà là-bas une question. Yo négocier nini? Ah, na négocier loi sur les réfugiés. Oba bengi global compact pour na ba réfugiés. Moi, na négocier ango. Ah. Na négocier ango na New York. Na négocier ango. Et comment loi lelo? Yo esiko vandu zotu nilanga, yo négocier nini? Comment loi lelo? Na négocier ango. Ce qui yo douté kende na bureau des Nations Unies na New York archive nyo se zali ba ko pesa yo na ko pesa ba date peut-être po esali sa yo 2016 na 8e mois réunion oba bengi Obama summit na New York na Nations Unies kende ko mona ki a été le premier ya ko lobela makambo ya loi na conception ya loi nani yeyo archive ezali peut-être bino lobaka fake news soki na lakisi yango oh fake news yomo kende na Nations Unies c'est à la portée de tout le monde kende tuna bango pesa ba date tuna okomona na 2017 na zonga lisusu pona même loi na zonga nga mokote babenga yaka lisusu papa vous comprenez na 2019 voté na Genève et komi mobeko na français babengi yango pacte mondial pour les réfugiés et comment mobeko lelo et ko sangana convention de Genève vous comprenez j'ai négocié ça alors soyez na yeso ba négociation mawa alors Félix a négocié nini qu'est-ce qu'il a négocié partout il est parti a signé Buzoba babimisié ake kuna signé Buzoba babimisié ake kuna signé Buzoba babimisié mais Buzoba pese ka confiance kaka béton azali toujours béton non ndeko yo muto za la problème Ezali. Ozana problème vraiment yamoutou. Voilà, mes chers amis. Je pense que toi aussi, Sawana, c'est que Nalingai Koloba, Ponalelo, Ezali soutenant Bandeko Oyo, Bazali ko défendre Mboka Nabiso. bandeko o bazo defendre mboka na biso ko finga okoyiko loba okoyiko kritike me ko kritike na lokuta te ko kritike na lokuta te ti lobi lobi boya ko mona ba ya ko loba non honore ngbanda koma livre te po milvor c'est possible hein? Milvor peut venir aujourd'hui vous pendre non honore ngbanda koma livre te c'est possible avec milvor parce que pa na bango rien n'est impossible. Kerun Maizo, c'est un avocat. Et Kerun Maizo, Azali, na moment où yondenge yo zo landangai, Kerun Maizo, Azali na université pour na troisième cycle na ye. Pendant que yo zo lia milou, Kerun Maizo, toye bisakabino libela, Azali na université pour na diplôme moussousou. Pour lobby bokoya li sous kakabino ba milouvor, diplôme na ye wana asombi. Soki asombaki diplôme na ye na Kinshasa. Bongo kuna pe na Belgique po bino bolingi mingi Belgique ba milvor. Na Belgique kuna pe vraiment soki na Belgique ou bien na France kuna pe Kerun Maizo a corrompu jiri wana o bandimie a kende kotanga pona diplôme wana parce que on peut pas prendre un abruti o zana iloko moko te connaissance moko te bazoyo ba kende ko chao na troisième cycle pour que o kende kotanga kuna mais non. Il y a une base, va considérer la base au tozui au tondimio. Je fais partie à ma jury admission et à mes étudiants. Alors, ceux qui a somba qui diplôme na Kinshasa, a sombi peut vraiment na connaissance ou à qui côté la université na France ou bien na Belgique que c'est Kazali. Milvor. Ou avant d'aller na Japon na Corée, ça juste une heure y a vol. Juste une heure y a vol. Mais quand on voit vraiment avion te na Japon ou ayana Corée, a kende d'abord obani na ministère ya enseignement supérieur universitaire. Tout na bango mais est-ce que boyebi mutu lokola yombi? Okoyoka son. Kako vandi kona na radio net na yo mutu akoma professeur na miracle ni. Mais joie avion c'est Corée na Japon c'est une heure. Okobebi sa misala na yote, olongwe pa za na 9h na 10h komi. Mbalamoko soki okomi na aéroport, soki okomi na aéroport ya Kimpo. Kimpo na Séoul. Ezali juste 30 minutes. 30 minutes ozali na ko peso adresse ya ministère d'enseignement primaire et secondaire, supérieur. Okeyi kuna. Donc okoyi ko sala démarche na pendant 1 heure. Mais ba 14h déjà ko zonga déjà Japon. Hein? Kaka place au vandi a somba diplôme, a somba boy. Mais tunda bangote ou bien okeyika ka ambassade ya Corée ezali na Japon. Ce qui au monique peut-être ticket ya koyela la Corée ezati. Je peux te payer les billets. Na ko sombe lo billet po ya. Alors, ce qui osa na soni na sombe lo billet, kende na ambassade ya Corée. Kende na ambassade ya Corée na Tokyo, kende kuna kota na kati. Peut-être prononciation bango ba koyeba te. La ki sa bango photo ou bien yebisa bango. Est-ce que vous avez dit good morning, Mr. Yombi? Parce que ma Corée est belle, ba yeba ranga na kombo ala. Good morning, Mr. Yombi. Une émission pendant une semaine, chaque jour, 30 minutes à la télévision nationale. Yo, monsieur Ngoï, place au vaille na Japon, les Japonais peuvent te laisser. Batika yo, d'Amber Ngoï. Na télévision nationale, télévision privée, télévision nationale na bango. Ba kata be émission nyon so ba yako tcha yo, pendant une semaine, chaque jour, pendant 30 minutes. Vraiment. Mais il faut que vous allez monter, maman, il faut que vous allez ndoki. Il faut que vous allez milvor. Pour nier ma kambaboy. Ezali, sur le net, ma vidéo en Ezali, pendant une semaine, 30 minutes, chaque jour. Et bien, il y a 8h30, tu n'as 9h, chaque jour. 8h30, 9h, chaque jour. 8h30, 9h, pendant une semaine, 7 jours. Moutoumoko na télévision nationale, bazola ki saye. Bazola ki saye, misala ozo sala, kotang so tang sa, balandanga partout, bisika na kendaka ba réunion, balandanga université, nazo tangisa, balandanga place nazo kende okouta na ba rencontre na batu, télévision nationale. Ba mobiliser camion ya retransmission, obo mona ka jeep wana ba tcha, ba antenne wana. Mobiliser po nangai pendant une semaine. Koreye nyon sa zo landangai. Koreye nyon sa zo mona. Koreye nyon sa zo loba moutou oto yebiye. To mona kaye, to sepela kanaye. azali parmi ba étranger na mboka na biso oyo to sepela kana bango. Tout le monde a mona kana Corée sauf les minivores ya Corée. Bango ba mona kate. Bango ba mona kate ba ba mona yo nante. Mais so okay sur le net. Luka Korea komelo komba yombi na Korea. Cha yango na Google okomona makamundengo omona. Alors, nous avons besoin ya bandeko. Bino ba tozo landa biso. Boye dakabiso. Parce que c'est décourageant. Moutouloko la kerine maïzo, il est partout. Naba RFI, azali naba colloque, azali naba conférence. Kuna zo keneta kene koloba, non, ngayi, le ki nangaza na Congo, na lingi le ki nangaya na poto, bope sa ye visa, mama nangaza boye, mama nangaza nji boye, na lina somba kamion, tinte la famille nangaza. Non, kerine maïzo partout, il passe, il parle ya Congo. Il parle po na Congo. Pour intérêt na yo, pour intérêt na ngai. Alors, ce que moni des gens négatifs, comme des Lambert ngoi bazwa ko dénigrer, yo pe congolais siko vandi o vandi kimia. C'est que yo posa complice ndeko. C'est que mboka ngo ekufa kaka ekufa. C'est décourageant. To yebi ke Satan azanga kate na biloko nyonso. Muto moko te azwa bomengo sans que Satan azala. Mukiliweza mukilia lit. Et il faut que na soni ke Satan a utilisé yo pour na ko empêcher ma bonheur ya makam ya bato mususu. Le Congo alingi ba congolais oyo bazali averti ba telema pona Congo. Mais Satan utilise bato lokola ba Lambert ngoyi wana. Satan utilise les milivores pour que Congo e bimate na gouffre oyo. Il faut que na soni ke ozala vraiment moto o Satan azo utiliser pour que mboka na biso ya avancer. Il faut que na soni. Bino peut pas mélanger, peut pas pasteur, baléka et beloka et beléka kabino. Mais vraiment, na ébité hein. Je parle de mélanger. Na la lobby batumsoté. Na tangi combo ya ethnité. Na tangi combo tribu ya batuté. Na lobby mélanger. Na pesa définition mélanger. Yo se vous avez définition soit mélanger, c'est votre problème. Nga na ébité mélanger. Un Congolais génétiquement ségérisé. C'est ça le mélanger. Qui ne raisonne pas, qui perd mémoire à tout moment. Et violent. Voilà, c'est ça, Milovore. Voilà, merci beaucoup, Bandeko, pour aller là. Pour partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Abiso YouTube, Prof. Yombi Vision, pour que tous allaka toujours ensemble, tous allaka. Et tous ali, ensemble, pour Nambo Kanabiso, Mbeli Mbeli Kaka. Moutounion so Oakoya, nous ne sommes pas pour des personnes. Biso loza pour Namoutou Teono, Moutou Kingandi, Bobeta Maboko pour Namoutou Kingandi, Bosalabwe, non. Biso tozali pona Congo. Beta maboko pona Congo, nga na kobeta maboko. Beta maboko pona Madia Madia, na kobeta te. Beta nga bomanga na kobeta to. Merci et au revoir.